Of an Eva of my dress, Eva in my dress of down, Eva in my dress of down, dress of down, dress of down. Brother says, but I never was your boss. Gonna leave a one my brother's your phone in my life. I'm only life. I'll find love. All the world. Down here for drop. monumentale, soudainement une flemme monumentale me prend. Je reste allongé sur le canapé. Je m'imagine la forêt, les oiseaux, la canopée. Je reste assis, je n'ai plus envie de bouger. J'imagine les oiseaux qui vont s'abreuver en haut, tout là-haut. Les colibris aussi, dans les jus des fruits, le nectar des fleurs est aussi exquis que celui de Lucille endolie, endormie, non, indolente sur le canapé, sur le sofa. Tu ne vois pas qui tu es, rappelle-toi que c'est toi qui joues le piano, ouais. Et maintenant c'est vrai, je me rappelle. Il y a plein de gens maintenant, je me rappelle. Je me rappelle. Dans son indolent, ils osent pas faire de bruit. Oh non, oui, c'est si. Oh non, c'est si facile. Moi faire oui avec tes doigts, viens avec moi toucher le nirvana. Really, oh my friend, really, again, really, my friend. I'm on your, I'm not the only, I'm not the only one. I'm not young. Rain me, rain me again, rain me. C'est vous indolente, indécente, si jolie sur mon lit, qui m'avait fait vriller. Oh, moi je vous en prie, c'est vous si jolie, indolente, endormie sur mon lit. J'étais parti des oiseaux, des fleurs, des nectars exquis. C'est raté, j'ai vrillé, j'ai crié, j'ai violé, j'ai raté, j'ai crié, rame en anglais, j'ai raté, j'ai crié. Watch, bon, ben bien sûr. Et je le vois pas. Et...